C'est au péril de ta vie que t'approcheras le monde libre. C'est utopie que tu cultives quand t'apprends tout dans le livre. Je t'envie, toi qui remplis ton vide par de belles paroles. Attention bonhomme, tu perds ta robe. Je t'avertis car il faut que tu sois crédible pour faire bouger mes négros. Moi j'encaisse, je fais pas dans le chrome. Je raconte tous ces Tommy qui font les tauliers, mais dès qu'ils se prennent une tollée, vont chialer chez le commissaire. On s'en va à la régulière, à la régulière. Les gorges sont serrées, les portes sont scellées dans cette vie de merde. Mais nous on n'est pas les d'hier. Alors t'inquiète pas que nous on la fera à la régulière. À la régulière, on suce pas nous, on chale pas, on parle pas à nous. Rien n'a pas d'être premier dans tes sondages. Hey, ramène ton pourcentage. Navigue sur les eaux sinueuses de ton terrestre paradis. Si seulement on m'avait prédit que la vie c'était un coup de paramine, j'aurais pris mon parapluie, ma carabine. Je me serais sorti la tête de la merde et plus souvent dit je t'aime à ma mère. Les paramètres diffèrent quand tu pénètres les yeux bandés dans la misère. Quand assis là à attendre un geste du Saint-Esprit, t'apprends vite que t'as rien de sain, le ventre vide, accablé par la faute des autres types. Dis-toi qu'y a rien de mal quand t'es gentil. Poteau, depuis quand t'es sorti? Pourquoi? J'crois pas que tu m'aies payé mes cantines. Alors arrête avec tes sentiments, cesse de te punir, arrête de mentir sur les conditions de vie sur ton continent. Pour nous c'est déjà la pénitence. Putain, frelot, à quand la délivrance? Le monde la fera à la régulière. Les gorges sont serrées, les portes sont scellées dans cette vie de merde. Mais nous on n'est pas les d'hier. Alors t'inquiète pas que nous on la fera à la régulière. À la régulière, on suce pas nous, on chale pas, on parle pas à nous. Rien n'a pas d'être premier dans tes sondages. Hey, ramène ton pourcentage.